Me voici, révérende mère. J'ai à vous parler. Et moi, de mon côté, dit Fauchelevent, avec une hardiesse dont il avait peur intérieurement, j'ai quelque chose à dire à la très révérende mère. Eh bien, parlez. Le bonhomme, avec l'assurance de celui qui se sent apprécié, entama, vis-à-vis de la révérende prieure, une harangue campagnarde assez diffuse et très profonde. Il parla longuement de son âge, de ses infirmités, de la surcharge des années comptant double désormais pour lui, des exigences croissantes du travail, de la grandeur du jardin, des nuits à passer, comme la dernière par exemple, où il a fallu mettre des paillassons sur les melonnières à cause de la lune. Et il finit par aboutir à ceci, qu'il avait un frère. La prière fut un mouvement. Un frère pour un jeune. Second mouvement de la prière, mais moment rassuré, que, si on le voulait bien, ce frère pourrait venir loger avec lui et l'aider, qu'il était excellent jardinier, que la communauté en tirerait de bons services, meilleurs que les siens à lui, que, autrement, si l'on n'était point son frère, comme lui, l'aîné, il se sentait cassé, et insuffisant à la besogne, il serait, avait bien du regret, obligé de s'en aller. Et que son frère avait une petite fille, qui l'amènerait avec lui, qui s'élèverait en Dieu dans la maison, et qui peut-être, qui sait, ferait une religieuse un jour. Quand il eut fini de parler, la prière interrompit le glissement de son rosaire entre ses doigts et lui dit « Pourriez-vous d'ici à ce soir vous procurer une forte barre de fer ?»« Pourquoi faire ?»« Pour servir de levier. »« Oui, révérende mère, » répondit Fauchelevent. La prière se leva et entra dans la chambre voisine. Un quart d'heure environ s'écoula. La prière rentra et revint s'asseoir sur sa chaise. Une religieuse, morte le matin même étant, aux yeux de la mère, susceptible de faire plus tard des miracles, la mère demande à Fauchelevent de l'inhumer sous la lourde dalle du maître-autel de la chapelle, et ce, entre 11 heures et minuit, et dans le plus grand secret. Fauchelevent, ayant pour cette opération souhaité être aidé par son prétendu frère, n'obtient pas gain de cause. Et pour simuler l'inhumation normale, Fauchelevent devra mettre de la terre dans le cercueil de la morte pour compenser son absence. Fauchelevent se dirigea vers la porte. Comme il allait sortir, la prière éleva doucement la voix. « Père Fauvent, je suis content de vous voir. Demain, après l'enterrement, amenez-moi votre frère et dites-lui qu'il amène sa fille. » Après avoir expliqué à Cosette comment elle pourra sortir de la baraque de Fauchelevent, Jean Valjean se laisse convaincre par celui-ci qu'il doit prendre la place de la mort dans le cercueil, car le fossoyeur est un ivrogne de mes amis. C'est de plus le seul moyen pour que Fauchelevent le présente le lendemain à la prière comme étant son frère. « C'est convenu, père Fauchelevent, tout ira bien, » dit Jean Valjean. Hélas, le lendemain, un nouveau fossoyeur remplace le fossoyeur attendu, qui vient de mourir. Mais Fauchelevent arrive à renvoyer chez lui le nouveau fossoyeur avant qu'il ne comble la fosse où est descendu le cercueil contenant Jean Valjean. Le soir, par la nuit noire, deux hommes et un enfant se présentaient au numéro 62 de la petite rue Picpus. Le plus vieux de ces hommes levait le marteau et frappait. Les deux bons hommes est allé chercher Cosette chez la fruitière de la rue du Chemin Vert, où Fauchelevent l'avait déposée la veille. Cosette avait passé ses 24 heures à ne rien comprendre et à trembler silencieusement. Mais elle n'avait rien laissé transpirer de tout ce qu'elle avait entendu et vu depuis 2 jours. Elle devinait qu'on traversait une crise. Fauchelevent était du couvent et savait les mots de passe. Toutes les portes s'ouvrirent. La prieure accepte Jean Valjean comme aide jardinier, sous le nom d'Ultime Fauchelevent. Et prétendant que Cosette sera l'aide, elle prit immédiatement Cosette à l'amitié et lui donna place au pensionnat comme élève de charité.